TV. Hey man, you got a TV. I got a house, you got a house. I got a car, you got a car. I got a suit, you got a suit. I got a tie, you got a tie. I got a shirt, you got a shirt. We don't serve the public. We don't serve the public. We sell! Sell! Sell! Sell! And when I look at my television, these are the words I see. Big fucking deal! Otherwise, mes chers amis, si... Si je vous... Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.